On va parler du tournoi des cœurs. C'est la journée des bilans. Aujourd'hui, on fait le bilan du Super Bowl. On va faire le bilan, évidemment, de la participation de Mélina Perron et de l'équipe au tournoi des cœurs qui s'est terminé à Prince, en Colombie-Britannique récemment. Est-ce qu'on est content du côté? On va rejoindre d'ailleurs à Montréal parce qu'ils sont en transit à l'aéroport. Mélina Perron. Salut Mélina! Allô? Et Joël Gagné, son entraîneur, oui, l'entraîneur de l'équipe d'Emilia Gagné. Salut Joël. Oui, bonjour Danny. D'abord, on va commencer avec Mélina. Comment tu as trouvé ton expérience là-bas? Premièrement, c'est dur à expliquer comme ça tout de suite après d'être revenu, mais pour faire des petits mots courts, c'est incroyable. C'est fou. C'est, j'imagine que comme expérience pour une fille comme toi, c'est de voir comment le curling, il y a un monde de différence entre le Québec et le Canada anglais là. Puis le tournoi des cœurs, c'est gros, c'est très gros. T'as TSN, t'as les médias qui te courent après, c'est gigantesque là. Puis ça, tu étais surpris. On t'avait prévenu que c'était très gros. Est-ce que c'était plus gros que tu pensais? Je pense qu'on avait été assez bien prévenus pour ça. On s'est habitués super vite aux caméras, TSN, comme tu l'as dit, puis on n'a pas eu de problème avec ça. OK. Joël, comme entraîneur, toi, c'est sûr que tu es un petit peu plus âgé, tu connais peut-être plus le tournoi des cœurs, tu savais plus à quoi t'attendre, mais est-ce que c'est encore plus gros qu'on pensait? Bien, évidemment, l'expérience que j'en ai, moi, ça fait quand même, j'en suis seulement à ma cinquième année comme entraîneur. Okay. Oui, je connais les Lakers Scott depuis très longtemps. Comme entraîneur, j'ai quand même l'expérience de un ou deux championnats nationaux au niveau junior, ce qui fait que, oui, je savais un petit peu à quoi m'attendre, mais évidemment, c'était tout le côté médiatique, le côté télévision. Les filles portent des micros après presque tous les matchs. On ne sait jamais quand est-ce que la télévision va être vraiment sur nous. Ouais. Mais je pense qu'ils l'ont très bien géré parce que pendant les parties comme telles, une fois qu'ils embarquaient sur la glace, la partie commençait. Puis je pense qu'ils s'occupaient pas tellement de ce qui se passait autour. Puis c'est la compétition qui comptait à ce moment-là. Ouais, Mélina, écoute là, c'était quoi l'objectif au départ? C'était au moins, je pense pas qu'on pensait gagner là. Mais c'était au moins de bien performer puis de bien représenter le Québec. Puis ça, cette mission-là, on peut dire mission accomplie là. Oui. L'objectif premier, c'est vraiment ça, de s'amuser, de prendre ça comme ça venait, puis de bien représenter Québec et tout, mais oui, ça vient de OK. Dis-moi, Joël, si on parlait un petit peu de ce côté-là, comment vous l'aviez préparé, votre équipe? C'était, quand vous êtes arrivé là-bas, c'était un entraînement, c'était... En fait, en arrivant là-bas, tout ce qu'on avait, c'est 10 minutes de pratique par glace le vendredi matin, avant même que les compétitions débutent. C'était plus une préparation de se parler un petit peu. En fait, la préparation, moi, c'est que j'ai pas voulu changer trop nos habitudes habituelles, étant donné que je dirais qu'on était plus ou moins préparé pour un gros championnat comme ça, parce qu'il était pas dans nos objectifs en début de saison du tout. Ouais. Il est arrivé un petit peu par surprise. Puis, fait que moi, dans l'hier, on peut pas tout changer en une semaine. Hein, donc, on va garder nos habitudes. L'important, c'est de se concentrer sur l'exécution, sur ce qu'on a à faire comme coup, de pas se laisser impressionner par qui lance les autres pierres, parce que c'est des pierres de curling. Donc, on va se battre contre des pierres de curling et non contre des joueuses. Okay. Je pense que ça a assez bien fonctionné, parce que moi, ce que j'espérais, c'est qu'on se fasse pas trop ridiculiser. Puis, je pense que de ce côté-là, on peut dire plus que mission accomplie pour les filles, là. Des matchs très, il y a eu une couple de défaites, des matchs très serrés contre des puissances de curling. Puis on en a gagné quelques-uns aussi comme ça. Moi, c'est vraiment un chapeau les filles, là. C'est extraordinaire. Si on revenait contre le Canada, moi je l'ai écouté ce match-là, ben RDS et TSN nous l'ont montré la fin du match contre le Canada. Ça a passé très proche, là, Mélina. Hein? Ça a passé peut-être à 1 millimètre ou peut-être parce qu'on est allé au mesurage là. Ça a passé parce que si ça marchait, c'était 2 points puis vous gagnez ce match-là. Là. C'est ça? Mélina ou Joël là-dessus? Oui. Ouais, ben je pensais que Mélina allait répondre. Ouais. Effectivement, c'est ça. Ils ont demandé la mesure au 10e bout, ça nous prenait 2 points. Puis finalement, c'est quelque chose comme moi, à mon âge, je dirais un quart de pouce, là, mais disons 5-6 millimètres. OK. Alors, c'était quelque chose d'incroyable. Mélina, l'adaptation, parce que j'en ai parlé avec Alain Huzereau, qui est descripteur RDS. Alain disait que là-bas, les glaces sont pas pareilles, les pierres, tu sais, il y a quand même, excusez-moi l'expression, des courbes à prendre, des twists, excusez-moi, pour vraiment, là, et c'est pas pareil. Est-ce que ça a été long à s'adapter? Parce que vous avez pas eu une grosse séance d'entraînement là-bas, là, les glaces, les... Non, mais on savait déjà en partant que les glaces allaient pas être comme dans nos cuves. Okay. Donc, comme ça, ça a été plus facile, selon moi, de s'adapter à ça. Mm. Puis, dans nos pratiques, ça nous a confirmé bien plus. OK. Joël, l'expérience que en tant qu'entraîneur, est-ce que toi tu te sens meilleur entraîneur maintenant? Parce que j'imagine que tu as dû côtoyer beaucoup de joueurs. C'est sûr que là-bas, ça parle beaucoup anglais. Je sais pas c'est quoi ton anglais, là. Mais est-ce que tu te sens meilleur? Est-ce que là-dessus? Ben, c'est sûr que le c'est une très belle expérience. Ce que je me rends compte, c'est que beaucoup de travail à faire pour des équipes de ce niveau-là, là, pour les amener puis les garder à ces niveaux-là. Parce qu'il y a des très, très, très bonnes équipes qui n'ont pas réussi à faire la ronde de championnat à la fin. Mm. C'est comme là, moi, j'avais en principe même pas terminé la certification d'entraîneur requis pour aller à un tel championnat. Okay. J'ai eu un genre de dérogation, ce que Curling Canada permet, mais pour seulement 2 ans. Donc là, moi, j'ai 2 ans pour finir ma formation, pour être capable d'y retourner. C'est-tu une grosse formation? C'est quand même assez gros. Là. Je sais que j'ai 4 volets à faire. Le premier, c'est 4 jours de formation. Il s'est donné une seule fois en français au Québec en 2015. Puis moi, j'ai pas pu le faire à ce moment-là. Fait que là, moi, j'ai mis Curling Québec là-dessus. Là, j'ai dit là, faut trouver une façon que ça se redonne en français au Québec dans pas trop longtemps. Ben, c'est sûr. Mélina, comme joueuse, comme coéquipière, cette présence-là, au tournoi des cœurs, est-ce que ça l'a solidifié l'esprit d'équipe? Parce que tu sais, c'est pas évident, là. Tu sais, je pense que t'es quoi? T'as 17 ans, Mélina, c'est ça, toi? Ouais. Donc, tu sais, souvent les études, les chums rentrent en ligne de compte. On l'a vu avec l'équipe de Laura Guénard. L'équipe de Laura Guénard était bien partie, puis finalement, l'équipe s'est comme dissoute. Et est-ce que de votre côté, sa présence-là, parce que c'est une expérience inoubliable, tu vas avoir 85 ans, puis tu vas te rappeler encore de ça, puis tu vas avoir de quoi être fier. Là. Est-ce que ça l'a solidifié, Lily? C'est sûr qu'en partant, l'équipe avait déjà une très belle complicité, complicité, mais je veux pas, dans un tournoi comme ça, on est tout le temps ensemble, même quand on joue pas, on est dans une chambre d'hôtel, puis on joue à des jeux de cartes, tout comme ça, fait que c'est sûr que ça peut pas faire mieux que ça. Plus qu'équipe qu'il y a déjà. Joël, il va rester quoi là-dessus? Il va rester quoi? Moi, je pense que les filles, ben, premièrement, c'est comme vous avez dit, là, ils vont s'en rappeler toute leur vie, évidemment. Moi, je pense que ce que je veux qu'il reste d'une telle expérience, c'est que je pense que les filles ont vu maintenant ou ont peut-être réalisé encore plus l'importance de bien s'entraîner, de bien s'alimenter. Puis quand je dis s'entraîner, c'est pas juste sur glace, c'est pas juste la technique, c'est pas juste c'est la condition physique. Les filles qui sont là-bas, là, qui visent de gagner un Scotties ou des grands championnats, c'est des filles qui font beaucoup d'entraînement puis qui ont de l'endurance, parce que des semaines comme on vient de vivre, coup sur coup avec le provincial puis avec les Scotties, il faut être très, très en forme là, pour donner tout ce qu'on est capable de donner pour aller chercher le meilleur. Il faut vraiment que les filles soient en forme. Puis c'est l'alimentation, c'est le côté mental, c'est toute la chimie d'équipe. Là. Puis pour revenir un petit peu au côté chimie, complicité des filles, évidemment, c'est une équipe, c'est la 3e année qu'elles jouent ensemble. Je pense qu'il y a toujours une petite routine, quelque chose de bien installé. Puis C'est merveilleux, là, ce qu'ils viennent de vivre. Là. OK. Moi, j'avais dit avant le tournoi que vous allez être un peu le centre d'attraction. C'est la première fois que ça arrivait qu'une équipe junior représentait une province. Est-ce que, Mélina, est-ce que vous avez eu cette attraction-là de la part des médias là-bas? Est-ce que vous avez pensé comme une autre équipe? Je pense qu'on a été un petit peu plus regardés ou interrogés que d'autres, parce que c'est sûr que c'est intriguant pour tout le monde de voir que c'est une jeune équipe qui représente le Québec, puis que c'est la plus jeune équipe de l'histoire des Sœurs Cotty. On a beaucoup été. On a été le centre d'attraction. OK. Joël, le restant de l'année, est-ce que c'était la dernière compétition ou vous allez participer à d'autres compétitions moins d'envergure? Beaucoup moins d'envergure. C'est pas plus gros que ça. Non, c'est ça. Je pense pas qu'on puisse faire plus gros que ça, à moins de viser les Olympiques, il est trop tard. C'est Rachel Owen qui y va, puis le Canadien, le Mondial, là, c'est pas nous qui a gagné. Donc, non, cela, je pense qu'on remet un petit peu les choses à leur place, dans notre routine habituelle. Ce qui s'en vient, c'est ce qui reste comme dans le junior en équipe, c'est à la mi-mars, une qualification parce que ça nous prend une équipe du Québec chez les filles, chez les garçons pour représenter le Québec à ce qu'on appelle l'OVCA qui a lieu en octobre, fin octobre. C'est dans la région d'Ottawa. Puis là, il y a des équipes d'un petit peu partout, des États-Unis, un petit peu d'ailleurs également, même de d'autres pays des fois. Ce que j'allais dire, il y a deux autres tournois qu'on prévoit faire. Ben là, c'est local, c'est-à-dire il y a un tournoi chez vous, le Fisherman, qui est un excellent tournoi, il y a de la belle compétition. Et moi, ben j'aime bien quand les filles quand elles peuvent jouer contre des équipes d'hommes et de femmes. Puis je pense que c'est comme ça qu'elles ont été capables aussi de bien s'adapter là-bas. Hein. C'est que c'était pas la première fois qu'elles jouaient contre des adultes. Non, j'espère qu'ils vont que le Fisherman. Je pense que oui, là, ils vont rendre hommage à cette présence. Hey, Mélina, quand Joël parle de bien s'alimenter, d'être en forme, c'est quoi d'être en forme pour au curling? C'est-tu de bien s'alimenter dont on connaît ça? Là? Mais c'est le reste, est-ce que c'est de la course, est-ce que c'est du gymnase, c'est quoi en fait là, pour être en forme? D'aller dans les gyms, c'est sûr que ça aide beaucoup pour travailler les cuisses, puis la course, ça aide aussi, dans le fond, tout ce qui peut renforcer les muscles, nous aider à mieux performer. OK. Mélina, félicitations, bravo, tu nous as bien représenté, tu as de quoi être fier. C'est incroyable ce qui s'est passé. Joël, félicitations également. Puis sûrement qu'on va avoir l'occasion de vous reparler dans d'autres circonstances. Oui, on vous remercie beaucoup. Puis à tous vos auditeurs qui nous ont supportés et encouragés, là, il y a eu un gros vent d'amour autour de l'équipe là, depuis quelques semaines. Oui, effectivement. Donc, c'était Mélina Perron et Joël Gagné qui nous parlaient de leur présence au tournoi des